Again, you are welcome in Jesus. Ils êtes alle welcome in Jesus name. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today we will not be able to also continue our message. The Lord have a message also for us. Heute geht's auch nicht weiter mit der eigentlichen Botschaft, denn der Herr hat eine andere Botschaft für uns heute vorbereitet. Aujourd'hui on va continuer avec un autre message. On va pas continuer avec notre message qu'on écoutait avant parce que l'Éternel a un autre message aujourd'hui pour nous. You know, on Wednesday I talked about that. I don't separate myself from the children of Christ. Mich nicht von den Kindern Gottes anders sehe, mich von ihnen trenne. Mercredi, je vous ai dit que moi je me sépare pas et je me sépare pas avec les enfants de Christ dans aucune forme. And I said that even my being one with them, God, I always get a lot of revelation. Und ich habe auch gesagt, dass in Gemeinschaft mit ihnen bekomme ich sogar noch mehr Offenbarung. Et je me suis dit aussi que je vous ai dit aussi que quand je suis je suis avec les enfants de Dieu, j'ai encore plus de révélations. Mm. And as we were speaking yesterday, als wir gestern gesprochen haben, in our parlor or sitting room, and the children we are speaking together, then the Lord said, you hear that message? That's the message for tomorrow. Als wir am Sprechen waren, hat der Herr mir gesagt, hörst du diese Botschaft daraus aus diesem Gespräch? Das ist die Botschaft für morgen. Et quand j'ai parlé avec les enfants, et l'Éternel m'a dit que me disait que tu écoutes, c'est qu'on est en train de vous êtes en train de parler maintenant. C'est ça, ça sera votre message demain. Praise the Lord. Hallelujah. And around 4 o'clock this morning, 4 or 3 o'clock, then woke me up to write. Und um 4 Uhr hat er mich dann geweckt mit dieser Botschaft. Et aujourd'hui à 4 heures du matin, il m'a réveillé avec ce message. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The message is choose to consider Christ alone. Die Botschaft heißt wähle Christus Jesus allein zu erachten. Et le message c'est ça signifie d'aujourd'hui c'est que tu dois seulement choisir Jésus-Christ et de le valoriser. He said consider Christ alone or you are going to consider Satan. Wähle Jesus Christus allein, sonst wirst du den Satan erachten. Tu dois seulement considérer le Christ lui-même, sinon tu vas considérer le diable. It's either you consider Christ or you automatically consider Satan. Weil wenn wir Jesus Christus nicht achten, achten wir damit den Satan. Parce que si tu ne considères pas le Christ, tu vas considérer automatiquement le diable. Two powers control the earth. Denn zwei Mächte kontrollieren diese Welt. Parce qu'il y a seulement deux puissances qui contrôlent ce monde. Only two. Nur zwei. Juste deux. And not three. Und nicht drei. Et pas trois. The spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische. Umso eher du das weißt, umso besser für dich. On doit comprendre que c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. And that's why until something happens in the spiritual world, it can never happen here on earth. Deswegen, erst wenn eine Sache in der geistlichen Welt passiert, wird es auch in der physischen Welt sichtbar sein, passieren. Et c'est pour cela, tu dois comprendre que d'abord, il y a quelque chose qui doit se passer dans le monde spirituel pour que ça puisse se passer aussi dans le monde physique. We are all spirit. Both wir sind alle Geister, die Gläubigen auch die Ungläubigen. Nous sommes tous des esprits, même si tu es né de nouveau ou tu n'es pas né du tout de nouveau. Amen. Tout le monde est esprit. We have a soul. Wir haben eine Seele. Et on a un âme. And we live inside a body. Und leben in einem Körper. Et on vit dans un corps. Amen. Amen. The spiritual part of us controls the physical part. Aber der geistliche Teil von uns kontrolliert den physischen. Mais notre partie spirituelle en nous, ça contrôle notre monde physique. Once you now belong to Christ, you have a spiritual world, which is Christ Jesus. Wenn du zu Christus gehörst, hast du eine geistliche Welt. Und diese geistliche Welt ist Christus Jesus, das Königreich des Himmels. Et si tu es né de nouveau, tu appartiens à Christ. Tu vis maintenant dans le monde spirituel de Christ et ça appartient au Christ lui-même. If you are not a son of God, you belong. You are also living in a spiritual world, which is the the kingdom of this world. Wenn du kein Sohn Gottes bist, lebst du auch in einer geistlichen Welt. The world, satanic world. Aber in der geistlichen Welt des Satans. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu, tu habites, tu vis dans dans le monde dans le monde physique, dans le monde naturel où le diable qui est le maître de ce monde, qui règne, c'est donc tu appartiens au diable. You know, Allah do not want people to know anything about Satan. Viele Leute wollen aber nichts von Satan hören, besonders in Europa. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir, ils veulent rien savoir du monde du diable. Surtout les gens ici en Europe, ils n'aiment pas écouter parler du diable. You know, if you don't know there's a thief, you will not know how to hide your things. Wenn du nicht weißt, dass es einen Dieb gibt, dann wirst du nicht wissen, wie du deine Sachen zu verstecken hast. Vous devrez comprendre que si tu ne sais pas qu'un voleur existe, tu ne sauras pas aussi comment cacher tes affaires, tes histoires. Jesus calls Satan a thief. Jesus nennt Satan einen Dieb. Mais Jésus-Christ a appelé le diable un voleur. Amen. He said the thief coming up but to steal, kill and destroy. That is not Jesus but coming to steal, kill and destroy. But Satan. Mm. Er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Er redet da von dem Satan, nicht von Jesus Christus. Il dit que le voleur vient pour détruire et pour voler. Et il parle pas de Jésus-Christ, il parle du diable. They always want you to say Jesus, Jesus, but never say Satan. Mm. Sie wollen immer, dass du über Jesus redest, aber den Satan nicht nennst, aber so funktioniert das nicht. Aujourd'hui, les gens veulent toujours parler de Jésus-Christ, mais sans parler du diable. Ça ne marche pas comme ça. They say heaven, heaven, heaven. Don't even say there's hell. How will people choose? Oder reden nur von Himmel, aber reden nicht von der Hölle. Wie sollen Leute entscheiden? Il parle toujours du royaume des cieux et dit toujours le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, mais il parle jamais de l'enfer. Mais comment les gens seront capables à choisir entre le ciel et l'enfer si vous cachez l'enfer? They will say threaten people. You want to affect people. You know you want to pet people to hell. You pet people. You pet them to hell. Und man sagt aber dann ja, aber das wird Leuten Angst machen und sie verscheuchen. Aber wir können Leute nicht in die Hölle sozusagen verschonen. Ne? Es bringt nichts, wenn Tatsache aber ist, dass es halt einfach diese geistliche, dämonische Welt gibt. Et on dit, on veut toujours, on veut seulement dire que oui, c'est très difficile de parler de l'enfer, ça va faire les gens auront peur des histoires comme ça, mais on peut pas épargner les gens de l'enfer parce que c'est une réalité. Tell people the truth that there is hell, there is heaven, so that they choose heaven. Sag den Leuten die Wahrheit, sag ihnen, dass es Himmel und Hölle gibt. Das Leben und Tod gibt, damit sie sich entscheiden können für das Leben, für den Himmel, für Christus. C'est vraiment important, c'est essentiel de dire aux gens qu'il y a le royaume des cieux, il y a aussi l'enfer, pour que les gens puissent avoir la possibilité à choisir. It is everywhere in the Bible. Deuteronomy 30 says, choose life or death. People will say, you preach life, don't preach death. Wir sehen das überall. Don't talk anything about that. In der Bibel, auch in 5. Mose, da sagt Jesus, ich sage Leute, Leben und Tod für euch. Ich rate euch, das Leben zu wählen. Ne? Und dennoch möchten Menschen aber nicht verstehen, dass man die Leute vor die Wahl stellen muss. Man muss ihnen sagen, wie der eine Weg aussieht und wie auch der andere Weg aussehen kann. Même Deutéronome 30 nous dit aussi que là l'Éternel dit choisissez la mort et la vie. Donc c'est là aussi il a commencé aussi à introduire ça et il nous dit de choisir la vie. Mais comment tu veux qu'on puisse choisir la vie si toi tu ne parles pas de l'autre côté? Proverbe 19, il dit I call heaven and earth to record this day against you. 19. That I have set before you life and death. You see there. 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwählt nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. J'en prends aujourd'hui à témoignage contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. You know, for religious people, especially here in Europe, they don't want to hear anything, you know, a curse or death. But you cannot, there cannot be a blessing without a curse. There cannot be a life without death. You know, it's like a stick. The one end is love, the other one is hate. One is life, the other one is death. Yeah, that one, the one is flesh, the other one is spirit. Mm-hmm. So you cannot just claim one, then I reject the other. Yeah. You are deceiving the people. Mm-hmm. Let them know the truth, mm-hmm. so that they are free. Und genau, es ist halt diese, es sind halt zwei Seiten, auch für die man sich halt entscheiden muss, ne? Entweder Leben oder Tod oder Christus oder der Satan. Und es ist halt wie ein Stab und es hat sozusagen zwei Enden. Die Leute müssen sich dafür entscheiden. Man kann den Leuten nicht einfach nur von einer Seite erzählen, ohne dass sie wissen, wie es an der anderen Seite aussieht. Und selbst in der physischen Welt ist das so, ne? Man wird sich immer, wenn man sich über Dinge erkundigt, man erkundigt sich über die Dinge und weiß dann, wie die Sache aussieht, welche guten Dinge diese Sache hat, aber auch welche schlechten Dinge eine Sache hat. Man fokussiert sich nicht einfach nur auf das Gute. Et c'est comme par exemple un fil qui a deux fins par exemple, hein, ou bien un bâton, tu vois, dans l'autre fin c'est le Christ, c'est la vie et la bénédiction, et de l'autre fin c'est la malédiction, le diable et l'enfer. Et on ne peut pas toujours parler seulement d'un côté parce qu'il y a deux côtés à suivre et les gens doivent se décider. Et c'est pour cela, disez aux gens la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 20. Verset 20. Okay, but let's still go to verse 19. Look at verse 19. It says, choose life. It says, choose life. Christ is life. Wähle das Leben. Christus Jesus ist Leben. Choisis donc la vie. Colossians 3 says, Jesus is Christ. Jesus is our life. Steht, dass Jesus Christus unser Leben ist. Colossiens 3 nous fait voir que c'est Jésus Christ qui est notre vie. Then he now said that bow down and your seed may live. You can see why if a dead person give birth to a baby, that baby is a dead baby. Damit du und dein Same lebst. Und das zeigt dir ganz klar, dass wenn du das Leben nicht in dir hast, wirst du den Tod gebären. Et il dit ici, pour toi et ta prospérité, ça signifie que si toi tu sais quelqu'un qui est mort, quelqu'un est mort, il va aussi faire naître la mort. He said that bow down on your seed. Your decision, there's always reaction, chain reaction. Whatever decision you take. Ja, in deiner Entscheidung gibt es immer eine Kettenreaktion. Donc, il dit si toi et ta prospérité, ça signifie que dans ta décision, tu décides aussi pour les autres. We still have it later. You know, here is telling us that you never choose for yourself alone. Diese Stelle sagt uns, dass wir nicht für uns selbst entscheiden, nicht nur für uns selbst entscheiden. Donc, cette partie nous fait voir qu'il y a toujours une réaction en chaîne. Donc, tu ne choisis seulement pas pour toi-même. You choose for your children. Du wählst für deine Kinder. Tu choisis pour tes enfants. Amen. According to the world system, those under your control. Nach dem Weltsystem, die unter deiner Kontrolle, die unter dessen Vormacht du stehst, Vollmacht. Selon le système de ce monde, ceux qui sont lesquels tu es responsable d'eux. Dein Vormund wählt für dich mit, sozusagen. Genau. Amen. Amen. If you are dead, if you give birth, you give birth to a dead child. Wenn du tot bist, wirst du ein totes Kind gebären. Es ist egal, wie schön und lebendig das Baby aussieht, es ist tot. We go there later. Et là, ça signifie que si tu es mort, tu vas aussi faire naître quelqu'un de mort, même si la personne est, même si l'enfant est belle ou bien elle est, ce sera mort. Amen. Amen. No to Christ is automatic yes to Satan. Nein zu Christus bedeutet ja zum Satan. Quand tu dis non au Christ, tu dis automatiquement oui au diable. Und das mögen Menschen Amen. Nicht. Amen. They want to say no to Christ, but the Satan don't have nothing to do with them. They don't have anything to do with Satan. Sie wollen immer eine two powers control the earth. Sie suchen immer nach einer neutralen Mitte, nach einer Alternative, aber die gibt es nicht. Entweder bist du für Christus oder gegen Christus. Et denn zwei Mächte kontrollieren diese Welt. Les gens dans ce monde, ils veulent toujours avoir une troisième alternative. Ils disent toujours que oui, eux aussi peuvent aussi. Ils ont leur propre décision. Mais la Bible nous dit aussi clairement qu'il n'y a que deux décisions. Il y a deux puissances ici sur Terre. Ou c'est le diable, ou c'est le Christ. Donc il n'y a que ces deux et il n'y a pas un troisième. On va lire Romains 6. We know that there is Christ, there is Satan. That is why we keep on choosing Christ. Wir wissen, dass es Christus gibt und den Satan gibt. Deswegen entscheiden wir uns immer wieder für Christus Jesus, Römer 6. Et nous, on sait qu'il y a le diable et aussi il y a le Christ. Et c'est pour cela qu'on continue à se décider à choisir et à suivre Jésus-Christ. Romains 6, 16 to 18. Romains 6, 16 bis 18. Romains 6, 16 à 18. He said, know ye not that to whom ye obey. Sorry. Know ye not that to whom ye yield yourself servant to obey. The servant you are to whom you obey. Whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. You see, consider there are also two here. It's not my van. Obedient unto death, or of obedient unto, whether of sin unto death, or of obedient unto righteousness. Yeah. Und wieder steht man vor einer Gabelung. Man muss entscheiden, welchen Weg man geht. Wir lesen, wisst ihr nicht, wenn wem ihr euch als Sklave hingebt und ihm zum Gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Ici, on voit aussi qu'on a ici, on a aussi encore une décision à prendre. Il nous dit que ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme l'esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui a qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance à Dieu pour la justice. You know, here in Europe, the religious people here, they would want to hear that of obedience unto righteousness. And never, they don't want to hear anything when, of sin unto death. You know, how are you going to choose who to control you? Hier in Europa besonders, ne, wollen die Leute halt nicht die andere Seite sehen. Ne? Ihr wäre es lieber, dass es hier nur um Gehorsam und Gerechtigkeit geht, aber dass die Seite von Sünde und Tod ausgeblendet wird. Mm. Aber wie willst du dann dich entscheiden? Mm. Ici en Europe surtout, ils veulent toujours écrire, écouter ou bien des prédications sur la vie et l'obéissance de Dieu, mais ils veulent jamais écouter quelque chose concernant la désobéissance et de la mort. Et ils veulent seulement écouter la justice de Dieu. Mais comment tu veux te décider pour la vie si tu écoutes seulement si tu ne connais pas l'autre côté? If you like it or not, there is opposition here on earth. Ob sie gefällt oder nicht, es gibt einen Feind, es gibt Gegenwind auf dieser Welt, es gibt eine andere Seite. Que tu veuilles ou pas, il y a l'opposition ici dans ce monde existe. Since the fall, opposition have been here. Seit dem Sündenfall gibt es diesen Feind. Depuis la chute de l'homme, il y a oh, diesen Gegner, danke. Depuis la chute de l'homme, il y a cette opposition existe. Since the fall, Satan has been the god of this world. Ja, weil seit dem Sündenfall ist der Satan der Gott dieses Weltsystems. Parce que depuis la chute de l'homme, le diable est devenu le dieu de ce monde. Let us preach the truth. Lass uns bitte die Wahrheit predigen. On doit vraiment prêcher la vérité. So that people will be free. Damit Leute endlich frei werden. Pour que les gens puissent être libérés. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 17, it says, "But God be thanked that you were the servant of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you from your heart." You can see it. He said, "You obey from your heart, and not from your mouth." Von Herzen aus habt ihr gehorcht, nicht nur einfach nur mit dem Mund. Mais grâce soit rendue à Dieu que de ce que, après avoir été les esclaves du péché, vous avez obéi du cœur et à la règle de la doctrine vous a été enseignée. Donc vous avez obéi du cœur et pas seulement de votre bouche. Then it says, "It is being then made free from sin, you became the servant of righteousness." If you are either a servant of sin or you are a servant of righteousness. Du bist entweder ein Diener der Sünde oder ein Diener der Gerechtigkeit. Verset 18 nous dit ici que vous êtes devenu des esclaves de la justice. Donc tu es tu travailles pour la justice ou bien pour le péché. Genau, und niemand ist davon freigesprochen. Jeder ist ein Sklave, aber die Frage ist, wovon. Et donc, chaque personne est un esclave, mais la question est que, est-ce que tu es l'esclave de la justice ou bien tu es l'esclave du péché? A servant of sin means you are, you know, servant of Satan. Ein Diener der Sünde heißt ein Diener Satans. Das heißt, der Satan kontrolliert dich. Un esclave du péché, ça signifie que c'est le diable qui te contrôle. Amen. Amen. You are either servant of Christ Or you are automatically servant of Satan. Entweder bist du ein Diener von Christus Jesus, der Gerechtigkeit dienstbar, oder automatisch ein Diener Satans, der Sünde dienstbar. Ou tu es un serviteur de Dieu, ou bien tu es automatiquement, si tu ne l'es pas, tu es automatiquement un serviteur du péché et du diable. Servant to righteousness means Christ is in charge of you. Diener der Gerechtigkeit bedeutet, dass Christus für dich verantwortlich ist. Si tu es esclave de la justice ou bien serviteur de la justice, ça signifie que c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui est, oui, qui prend, qui est au contrôle. Servant to sin means Satan is in charge of you. Aber Diener der Sünde bedeutet, dass der Satan für dich verantwortlich ist. Donc je me corrige, si tu es esclave de la justice, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu qui est responsable pour toi. Mais si tu es esclave du diable, c'est le diable qui est responsable aussi pour toi. No man ever control himself. Niemand kontrolliert sich selbst. Kein Mensch kontrolliert sich selbst. Il y a personne qui se contrôle lui-même. Praise the Lord. Qui a contrôle de sa propre vie. You know that you are here today, you are controlled by something. Dass du heute hier bist, du bist kontrolliert von etwas, geleitet von etwas, also von Christus oder den Satan. Le fait que tu es, que tu sois ici, tu es, c'est quelque chose qui t'a contrôlé, ou c'est le Christ qui t'a contrôlé, ou c'est le diable qui t'a contrôlé à prendre cette décision. Again, the spiritual world controls the physical. Nochmal, die geistliche Welt kontrolliert die physische. Et je me répète, c'est le monde spirituel qui contrôle le monde naturel. No one here on earth is free. Niemand hier auf Erden ist frei. S'il y a personne ici dans ce monde qui est libre. Amen. Amen. What man call freedom? Das, was der Mensch Freiheit nennt. Selon ce que l'être humain appelle liberté. What man call freedom is freedom for Satan to live in you and go through you. Das, was der Mensch Freiheit nennt, ist, dass der Satan Ein- und Ausgang bei dir findet, dass er rein und raus bei dir gehen kann. Das ist für sie Freiheit. Ce que l'être humain appelle liberté, c'est le fait que le diable peut entrer en eux ou bien sortir comme il veut, donc il a toujours accès à leur corps. It is only through Christ you have the only true freedom. Nur durch Christus haben wir den einzig wahrhaftigen die einzig wahrhaftige Freiheit. On doit savoir que c'est seulement à travers le Christ qu'on a vraiment la seule vraie bonne liberté. To save the world today, they want to be freed by their education. Wenn die Welt heute sehen, sie wollen sich durch Bildung befreien. Durch viel Lernen, degree upon degree. Viele Errungenschaften, viele Abschlüsse wollen sie sich befreien. Et si on voit ce monde ici aujourd'hui, dès qu'ils sont en train d'étudier, de faire des degrés, des docteurs et tous ces noms-là, c'est comme ça qu'ils se sont libres. Leur liberté, c'est toujours de savoir de plus, de beaucoup lire. Amen. Have friends, move around. Go out, be free to go out. Go, just go out. And have friends, they go to places, they enjoy yourself. With what? Geh raus, genieß deine Freizeit, dein Leben mit deinen Freunden. Aber was ist der Sinn davon? Mit wem machst du das? Et par exemple, quelquefois, ils se disent aussi que oui, leur liberté, c'est quand ils ont beaucoup des amis, ils sont en train de voyager, ils sont en train de voir des places que quelque personne n'a vues. Oui, ils font beaucoup de choses pour manger, boire, ça, c'est leur liberté. It is all about the fake freedom. Es geht die ganze Zeit um eine falsche Freiheit. Mais tout ça, il s'agit d'une liberté falsifiée. Amen. Amen. With the natural freedom, you are never free. Mit der natürlichen Freiheit bist du niemals wahrhaftig frei. Avec la liberté naturelle, tu n'es jamais libre. That's why people, you know, a doctor will still kill himself. Deswegen wird ein Arzt. After all the degree, you have dennoch, children, you have husband, you have everything. Money is not issue at all. Mm-hmm. But you will still kill yourself. Mm-hmm. You can see that there is no freedom mm-hmm. without Christ Jesus. Mm-hmm. Deswegen wird sich ein Arzt oder ein Millionär oder egal wer, was er hat, errungen hat in seinem Leben, sich das Leben nehmen, obwohl er Frauen, Kinder und alles, Firmen, alles zurücklässt, dennoch nimmt er sich das Leben, weil es mehr ist als das. Et c'est pour cela aussi, par exemple, un docteur qui a vraiment beaucoup étudié, qui a vraiment une bonne éducation, va se suicider, par exemple, parce que malgré il a une famille, il a tout, il a de l'argent, mais tu vas voir que ce que lui il a appelé liberté, ça le rend pas libre jusqu'à ce qu'il va se suicider. Everywhere in the whole world. America, everywhere. Mm. The rate of suicide is increasing. Mm. Und überall in Amerika, ne, auch in Asien, ne, auch diese Woche ist auch eine berühmte Persönlichkeit, hat sich das Leben genommen, ne, und das sind Menschen, die haben das sind nicht mal arme Menschen, das sind bekannte Menschen, die Fans haben, die Follower haben, die Familie haben, Freunde haben, Kinder haben. Und dennoch nehmen sie sich das Leben. Et on peut voir aussi que aujourd'hui dans ce monde, il y a tout le monde qui est vraiment, oui, beaucoup de gens qui sont en train de se suicider, malgré ils ont, ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui ont du succès, qui ont vraiment une bonne vie. Mais ils continuent à se faire tuer. And you want your son's life to be like that. Ah, du willst, dass das Leben deines Sohnes auch so aussieht. Et toi, tu veux que la vie de tes enfants puisse être comme ça. Amen. Mm. Huh. Praise the Lord. Hallelujah. Don't seek peace where there is no peace. Suche nicht nach Frieden. Frieden, genau. Suche nicht nach Frieden, wo es keinen Frieden gibt. Amen. Ne cherche pas la paix où il n'y a pas de paix. There's no freedom here on earth. Denn es gibt keinen Frieden hier auf Erden, nur durch Christus Jesus. Il n'y a pas de paix ici sur terre, sauf à travers le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see everywhere. You don't need to know. Just go. I thank the Lord for even Google. Mr. and Mrs. Google. Just go there. Internet. Go there. And see, it will speak to you how people are being destroyed. Yeah. Not through, not by Christ, but by Satan. Mm. That they reject Christ and they are being destroyed. Yeah. Our parents are dead. They're just, you know, for them, it's just okay until it happened to you. Mm. Until it happened to you, and it will happen to you. It's a matter of time. Mm. If you say, keep on saying no to Christ Jesus. Mm. Und deswegen bin ich auch dankbar für das Internet, ne, für Google und all diese Sachen, weil das bringt uns nochmal einfach das Ausmaß der zerstörerischen Macht und Kraft des Satans nochmal näher, ne, weil auch diese Woche, ne, mit dieser Schießerei, die vor einem Jahr passiert ist, ne, wurde auch diese Woche gedenkt und wir wissen alle, viele von uns wissen, was dort passiert ist, wie Menschen einfach andere Menschen zerstören und wie Eltern, Großeltern nichts dagegen machen können und sogar mit Opfer werden von der ganzen Sache. Ne, es ist einfach, ne, es ist sogar ein Teufelskreis und dennoch schützen Leute ihre Kinder vermeintlich schützen vor Jesus Christus. Donc on va voir que vraiment je suis quelquefois je remercie l'Éternel pour l'internet parce que tu peux même frapper sur Google, tu vas voir vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Et il y a une année passée, il y avait aussi quelqu'un qui a tué aussi beaucoup de personnes et ils ont pensé à ça cette année aussi. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et les parents, les grands-parents, ils sont même devenus des victimes. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train d'empêcher aussi leurs enfants à partir, à suivre la voie de Jésus-Christ, par exemple. They want to protect their children from the Savior. Sie wollen ihre Kinder vor dem Retter retten. Ils veulent protéger leurs enfants de notre Sauveur, de leur Sauveur. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Let us reject that fake freedom. Lass uns bitte diesen falschen Frieden verweigern. On doit vraiment rejeter cette paix falsifiée. Mm. Freedom where you are never free. Dieser falsche Frieden, never free. Wo du nicht wirklich frei bist. Cette fausse liberté où tu n'es pas libre, tu es vraiment en captivité. You know, until I marry, once I marry, I'm not free. You marry, you open the door for another problem. Ja, erst wenn ich heirate, bin ich dann frei, aber mit dieser Heirat öffnest du eine neue Tür für neue Probleme. Mm. Quelquefois, on se dit, ben, quand je serai mariée, tout va changer, j'aurai ma propre place, j'aurai ceci, cela. Mais quand tu entres là, oui, tu l'auras, mais tu ouvres la porte pour autre problème aussi. People have different problems they want to solve. Leute haben verschiedene Probleme, die sie lösen möchten. Les gens ont vraiment beaucoup des problèmes et des différents problèmes qu'ils veulent résoudre. Was sie Probleme nennen. Ce que eux, ils appellent des problèmes. The Lord have just one problem. Der Herr hat einfach nur ein Problem. Mais l'Éternel a seulement un problème. That he wants us to have. Das wir auch nur haben sollen. Et que c'est le même problème que nous aussi on doit avoir. That's rejecting him. Nämlich ihn zu verweigern. Et ça, c'est le rejeter. Amen. All others, they are no problem at all. Alles andere sind keine Probleme für ihn. Et toute autre chose, c'est pas un problème pour lui. What he call problem is once you forsake him. Was er Problem nennt, ist wenn wir ihn verweigern. Et ce que lui il appelle problème, c'est quand on est en train de lui rejeter. What he call problem is when you say no to Christ Jesus. Was that's a big problem. Er Problem nennt, wenn wir Nein sagen zu Jesus Christus. C'est que lui il appelle problème, c'est quand nous on dit non au Christ. What you call problem is when you hate the truth. Was er Problem nennt, ist wenn wir die Wahrheit hassen. We know it's bitter. We know it's very hard. But it is the truth. Wir wissen, es ist bitter, wir wissen, es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Et nous on sait que c'est qu'on vous dit c'est vraiment c'est amer, c'est pas bien à écouter, mais c'est la vérité, c'est pour cela on te le dit. We thank Jesus for the Holy Spirit he has given us. Wir danken Jesus für den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. On remercie l'Éternel pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. That he said is our helper. Der unser Helfer ist. Qui est notre oui, qui nous tient. He did not leave us without a helper. Er hat uns nicht zurückgelassen ohne einen Helfer. Et il nous a pas laissé un soutien. Because you know that with the nature that we cannot do it, we cannot achieve nothing. Then he gave us, he empowered us with the power of the Holy Spirit, and that's why we can hold on to Jesus. Das, weil er, and say no to the world, goodbye the world. Dass wir es mit dem Natürlichen nicht schaffen können, dass wir es selbst nicht hinkriegen können, hat er uns den Heiligen Geist zurückgelassen als Helfer, damit wir uns von dieser Welt verabschieden können mit Freude und mit Stärke. Il était ici sur terre, il savait comment c'est difficile choisir vivre comme lui. C'est pour cela il nous a laissé un assistant ici. Il nous a laissé quelqu'un qui pouvait nous aider à rejeter l'ancienne vie et suivre ses pas. Et ça c'est le Saint-Esprit. Let's go to the book of John and look at a little bit about the Holy Spirit. Johannes und schauen uns den Heiligen Geist an, wie Jesus Christus uns den Heiligen Geist vorgestellt hat. On va lire Jean et on va voir comment l'Éternel nous a introduit le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. If you first of all go to John 14. Johannes 14. Jean 14. Are we there, please? Mm-hmm. From verse 13. Vers 13. Johannes 14, 13. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Amen. Et tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verse 14. If you ask anything in my name, I will do it. He's the doer. Denn er ist der Macher von allem. Il a dit que si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai parce que c'est lui qui est la personne qui le fait. People are not doing things for us because they are good. So people are there for us because Christ is the one there for us. Leute sind nicht gut zu uns, weil sie einfach gut Menschen sind, sondern sie sind gut zu uns, weil Christus für uns da ist durch diese Menschen. Et les gens ne sont pas bien pour nous parce que ce sont des bonnes personnes, mais ils sont bien avec nous parce que c'est l'Éternel qui est bien avec nous à travers ces personnes. Somebody got in here. Mm. Amen. If we love, verse 15, if you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Another comforter, that he may abide with you forever. Ein neuer Beistand, damit er für immer bei euch bleibt, auf ewig und nicht nur für einige Zeit. Il a dit qu'il va nous donner un autre consolateur, verset 16, pour qu'il demeure toujours avec nous. Donc toujours, pas seulement pour quelques temps. Verset 17. He said, even the Spirit of Truth. You can see the Comforter. His name is also called the Spirit of Truth. Den Geist der Wahrheit. Sein Name wird auch. How many names? Amen. Donc le Consolateur, on appelle aussi l'Esprit de la Vérité. Whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth he. But you know him. Amen. For he dwelleth with you. I shall be in you. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht, Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr seid nicht leer. Amen. Il dit que c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure au milieu de vous et il sera en vous. Amen. You can see verse 18 here. 18. Verset 18. Jesus said, I will not leave you comfortless. I will come to you. It means he is the Holy Spirit. Yeah. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Das heißt, er ist der Heilige Geist. Er ist der Beistand, der Tröster. Amen. Il vous dit ici que je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Donc ça signifie que c'est lui qui est le qui est notre consolateur. C'est lui qui est le Saint Esprit qui vit en nous. Praise the Lord. Then let's go to verse Have I spoken unto you, being yet present with you? But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that everybody needs the power of the Holy Spirit. Jeder braucht die Kraft des Heiligen Geistes. On peut voir que tout le monde a besoin de la force de la puissance du Saint-Esprit. Salvation is different from baptism of the Holy Spirit. They are not the same. Errettung ist was anderes als die Taufe des Heiligen Geistes. Le salut est différent du baptême du baptême du Saint-Esprit. That you drink water, the water is inside you, and you jump into the swimming pool. The swimming pool, the water covers you. They are not the same. Dass ihr Wasser trinkt und das Wasser in euch ist und dass ihr selbst in ein Schwimmbecken springt und das Wasser euch umgibt, ist nicht das Gleiche. Il y a une différence entre boire de l'eau ou que de l'eau est autour de toi, que tu puisses sauter dans plonger dans l'eau. Il y a vraiment une grande différence. You can see Jesus talking about the Holy Spirit. It's Jesus, der über den Heiligen Geist spricht. Et on peut voir que si Jésus-Christ se parle du Saint-Esprit, il nous dit qu'on a vraiment besoin de lui. Dass wir den Heiligen Geist wirklich brauchen. Amen. So also if you go to John 16, it's also there. Johannes the Holy Spirit. Da geht's auch um den Heiligen Geist. Jean 16, on peut voir qu'il s'agit aussi du Saint-Esprit. He said, we reveal me to you. To know Christ, you cannot know Christ without the power of the Holy Spirit. Du kannst Christus nicht kennen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Tu peux pas connaître le Christ sans la puissance du Saint-Esprit. The Christ you know without the power of the Holy Spirit is not the true Christ. Weil der Christus, den du meinst zu kennen, ist nicht der wahrhaftige Christus ohne den Heiligen Geist. Weil, parce que si tu connais le Christ mais sans la puissance du Saint-Esprit, ça c'est pas le vrai c'est pas le vrai. Amen. If you look at it here in John 16. Johannes 16. Jean 16. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He said the Holy Spirit. Are we able to go here? Because we have a lot to deal with. Amen. From verse 7, if you read it. Johannes 16. Nevertheless, I tell you the truth. Jean 16, verset 7. Look at it. It is expended for you that I go. For if I go not away, the Comforter will not come for you. But if I depart, I will send him unto you. Yes. I will send the Holy Spirit. You will not be alone. That's why God's children, we are never alone. No, ich werde den Heiligen Geist schicken. Ihr werdet nicht alleine sein. Deswegen sind Kinder Gottes auch niemals alleine. Il a dit que, mais si je m'en vais, je vous envoie envoyerait le consolateur, il sera toujours avec vous. Donc ça signifie que nous, les enfants de Dieu, on n'est jamais seuls. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin. He's talking about the Holy Spirit. Es geht um den Heiligen Geist. Wenn er kommt, if you have him, then you understand what sin is. Et quand il sera venu, il convaincra le monde au sujet du péché et de la justice et du jugement. And of righteousness. It's not about adopted children. Von Gerechtigkeit. Er wird erklären, was Gerechtigkeit ist, dass es darum dabei geht, darum geht, Kinder zu adoptieren oder Arme zu füttern, sondern dass Gerechtigkeit einen ganz anderen Maßstab hat. Il nous dit que c'est seulement à travers cette, la justice du Saint-Esprit qu'on va comprendre qu'est-ce qui signifie la vraie justice, qu'il ne s'agit pas d'être là pour les pauvres, pour partir dans les orphelins, de faire des histoires caritatives, mais non, il s'agit de Jésus-Christ lui-même, il va nous faire comprendre sa propre compréhension de la justice. And of judgment. What to judge. Gericht, wie wir richten, who to judge. Wen wir richten. And those that are to judge. Und die richten sollen. Et du jugement, qui est capable à juger, quoi juger, comment juger, c'est lui qui va nous expliquer ça. We are the only one that have the right to judge. Wir als Kinder Gottes haben das, haben die Einzelnen das Recht haben zu richten. Nous les enfants de Dieu, nous sommes les seuls qui ont le pouvoir, qui sont capables. Because once we are going to judge, we are never going to judge according to the standard of this world. Wenn wir richten, ist es Christus, der durch uns richtet nach seinem eigenen Standard. Parce que quand nous on est en train de juger, c'est le Christ qui est en train de juger selon ses propres standards, pas selon les standards de ce monde. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. Of sin because there is believe not on me. Verse 10. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. Verse 12. I have yet many things to say unto you. Many things. Noch vieles hätte ich euch zu sagen. Er dit qu'il a encore beaucoup à dire. But you cannot hear them now. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Mais vous ne pouvez, il dit qu'on n'est pas capable de le porter au présent. Praise the Lord. Hallelujah. I love the Holy Spirit. Ich liebe den Heiligen Geist. J'adore le Saint-Esprit. Without him, I cannot preach this message. Ohne ihn kann ich die Botschaft nicht predigen, weil sie kommt nicht von mir. Ihr kennt mich, ich bin nicht schlau genug, um das hier zusammenzureißen. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne suis même pas capable d'approcher ce message. Vous me connaissez, je ne suis pas très intelligente pour ça. Amen. Amen. And this message are coming from me. Die Botschaft kommt vom Heiligen Geist. Tous les messages que je suis en train de vous donner ici, it's not that I heard a song we are now preaching them. Und nicht von Menschen, nicht, dass ich es irgendwo aufgeschnappt habe, irgendwo gehört habe und es jetzt hier weitergebe. Es ist direkt vom Heiligen Geist. C'est pas que je l'ai écouté quelque part autre et je vous le donne. Non, c'est le Saint-Esprit qui me le donne direct. I don't have any PhD. Ich habe keinen I was not done, was Doktor, not done. Titel. I've never been to moi, je n'ai pas d'être, je n'ai pas de titre. But I, one thing I know is that I know Christ. Ich habe nicht studiert, aber das einige, was ich, das einzige, was ich habe, dass ich Christus kenne. Ich habe ihn studiert, ich kenne ihn. Moi, je n'ai pas de doctorat, mais la seule chose que moi je sais est que j'ai le Christ, je l'ai étudié. No, Jesus did not go to university either. Jesus hat auch nicht studiert, er ist auch nicht zur Uni gegangen. Jesus hat auch nicht studiert, er ist auch nicht zur Uni gegangen. Er hatte keinen Abschluss, er war ein Tischler. Il n'avait pas il n'avait pas une étude, il n'était pas un docteur, quelque chose comme ça, mais il était un charpentier. Amen. Einfach nur ein Tischler. Amen. Il n'est pas parti à l'université, mais il était un charpentier. If you look at Peter was illiterate. Oder auch Petrus, er war auch ungebildet. Donc Jésus-Christ n'avait pas de diplôme et même Pierre il était même un illettré. Even Paul, even he had to reject everything of his degree to win Christ. Alors Paulus, der you can sogar see what people in the, especially here in Europe, until you are you go to university, you are not a pastor. Oder they are so evil. Oder auch Paulus, der hatte vieles, aber der hat alles sozusagen in Brand gesetzt für Christus Jesus. Er hat es als nichts erachtet. Aber heute sagen Leute, dass die Voraussetzung für Christus und Christus zu predigen das Studium ist, die Uni ist. Aber wie kann das denn sein, wenn die Vorläufer das nicht so getan haben? Et même Paul, quand vous voir qu'il avait même il avait des diplômes, mais il a dit que il est en train de considérer ça comme une poubelle, parce que il disait que parce que c'est que lui il sait c'est à travers le Saint-Esprit, ça n'a pas c'est pas valable. Et on voit aujourd'hui les gens disent avant de prêcher tu dois d'abord partir à faire des diplômes et pour être qualifié, mais pourquoi on doit le faire comme ça si les gens qui le faisaient avant nous comme les apôtres, comme Paul, même Jésus-Christ, eux ils n'ont pas dû le faire. The spiritual world, they don't need your degree. Die geistliche Welt braucht nicht deinen Bildungsabschluss, um irgendwas bei dir durchzuziehen. Le monde spirituel n'a pas besoin de diplômes. Es ist nutzlos. Sie brauchen nur dich, einen Körper, durch den sie gehen können. Mais le monde spirituel a besoin de toi comme un vaisseau à travers qui oui pour utiliser. Und deswegen bin ich qualifiziert. You can see why I'm qualified. Deswegen bin ich qualifiziert. Weil Christ can go live inside me and live through me. Weshalb Christus in mir leben kann und durch mich hindurch leben kann. Und dafür bin ich dankbar. Et pouvez-vous voir pourquoi je suis qualifié maintenant? Parce que le Saint-Esprit, l'Éternel Jésus-Christ peut vivre à travers moi et travailler à travers moi. You can see why your children you are also qualified. Ihr seht, weshalb ihr Kinder auch qualifiziert seid. Söhne Gottes zu sein. Et vous pouvez aussi voir pourquoi vous les enfants vous êtes vraiment qualifiés à être les fils de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Verset 13. Howbeit, when he, the Spirit of Truth, is come, he will guide you into all truth. All. In alle Wahrheit wird er euch leiten. Quand le consolateur, le consolateur Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, donc toute vérité, pas seulement quelques. In 13 lesen wir, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Amen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Donc, il va pas parler de lui-même. Il va parler de ce que il nous dit ici que quand il parle pas, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. He shall glorify me. In 14 lesen wir, er wird mich verherrlichen, er wird Jesus Christus verherrlichen. Verset 14, il dit que celui-ci me glorifiera. The Holy Spirit is after Christ Jesus. Denn der Heilige Geist ist hinter Christus Jesus her. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est toujours derrière le Saint-Esprit. For he shall receive of mine and shall show it unto you. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Reject those fake peace. Verweigere den falschen Frieden. Donc rejette cette paix. Fake freedom. Die verfälschte Freiheit. Amen. Mm. In Galatians 1. Galater 1. Galatians 1:4. Galater 1:4. Galater 1:4. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 1:4. Galater 1:4. He said, who gave himself for our sins, that we him might deliver us from this present evil world. We are free from the present evil world. Denn wir sind frei aus der Amen. Wir sind frei aus der gegenwärtigen bösen Welt, aus dem Weltzeit, aus dem Weltlauf. Herausretten bedeutet befreien. Galates 1, verset 4 nous dit qu'il est donné lui-même pour nos péchés afin que nous arrachés à la corruption du siècle présent. Praise the Lord. It is only what Christ called freedom. I mean what heaven called freedom. That is the only true freedom. Nur das, was der Himmel Freiheit nennt, ist wahrhaftig Freiheit. Also das, was Jesus Christus Freiheit nennt. Il s'agit seulement de ce que Jésus-Christ appelle la liberté. Oui, et c'est ça, ce qui est valable, pas ce que seulement le monde appelle liberté. No religion can free you. Keine Religion kann dich frei machen. La religion n'est pas capable de te libérer. Amen. You can see religion everywhere today, but people are not free. Wir sehen überall Religion, aber Menschen sind nicht frei. Tu peux voir la religion partout dans ce monde, mais les gens ne sont pas libres. Johannes 8. Jesus sprach hier zu religiösen Leuten. Praise the Lord. Halleluja. He was speaking to religious people here. Er hat zu religiösen Leuten hier gesprochen. These people, they were more, you know, they are more holier than you. Diese Leute sind heiliger als du. Les gens religieux, ils sont plus saints. They are more holier than the religious people today. Sie sind sogar very holy, heiliger gewesen. What they call holy, holiness. They dot all the I, they cross all the T. Sie sind sogar heiliger gewesen als die Leute, die sich heute heilig nennen. Ne? Nach der, also wir reden von Heiligkeit nach der Definition dieser Welt, nach der Definition von Religion. Sie haben alles gehalten, was man halten kann. Selon la définition de ce monde, de la définition d'être saint dans ce monde, les gens ici, dans Jean 8, ils étaient plus saints, ils étaient plus saints que les gens religieux d'aujourd'hui, parce que eux, ils étaient vraiment en train de faire tout ce que la loi disait. Et oui, ils étaient en train de se soumettre. Praise the Lord. As he spoke this way, many believe on him. Johannes 8, 30. Jean 8, 30. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn, als er gesprochen hat. Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. You know that you believe is good, that you must be free. Dass du glaubst, ist gut, aber du musst frei sein. Mais oui, c'est vrai, c'est bien d'être de croire, mais tu dois aussi être libre. You can't believe this message that I'm preaching, but you are at the same time you are not free. Du kannst diese Botschaft glauben, die du hier gerade hörst, aber du bist nicht frei. Tu peux écouter, entendre le message aujourd'hui, la prédication, mais tu n'es pas libre. Amen. Tu peux même le croire. Verse 31. Then said Jesus to those Jews which believe on him. If you continue in my word, then are you my disciples indeed. To continue. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Bleiben, weitermachen. Jésus dit donc aux Juifs, qui crut en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il s'agit de demeurer, pas de venir, mais demeurer. Praise the Lord. Hallelujah. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchir, vous rendra libre. You know the Jews believed that we are free. Die Juden haben geglaubt, dass sie frei sind. Les Juifs ils pensaient qu'ils étaient libres. But Jesus is telling them you need freedom. Aber Jesus sagt ihnen, du brauchst Freiheit. You are not free. Du bist nicht frei. Et ils pensaient qu'ils sont libres, mais Jésus-Christ les a dit que vous n'êtes pas du tout libre. Verset 33. They answered him, we be Abraham's seed, and we are never in bondage to any man. How say thou, you shall be made free? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We go to church all the time. We pay tithe. We pay offering. You know, we shout the name of Jesus. How do you, why should you tell us that we are not still free? Wir sagen hier, wir sind Abrahams Samen, wir sind niemand des Knechtes gewesen. Wie sollen wir denn dann in Gefangenschaft sein? Wir sind doch, oder frei werden wir doch schon angeblich frei sind durch das, was wir alles tun. Kirchensteuer bezahlen, zur Kirche regelmäßig gehen. Et ils ont répondu, mais nous sommes la race d'Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham et on n'a jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que nous sommes en captivité, nous ne sommes pas libres. Et c'est comme nous aujourd'hui, on part à l'église, on donne nos offrandes, on paye nos taxes, on peut dire que vraiment on est en train de respecter tout, on est libre. Verset 34. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Praise the Lord. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jesus is saying here that without him, you remain a servant of sin. Jesus sagt hier, ohne mich bleibt ihr Knechte der Sünde. Et Jésus-Christ dit ici que sans moi, vous restez des esclaves du péché. He came to give us his righteousness. Er kam, um uns seine Gerechtigkeit zu geben. Il est venu pour nous donner sa justice. You know, three convicts, you change your It's so garments. He gave one. You know, we pull our garment, the garment of sin. We gave it to him. And he pulled his own. Amen. And gave it to us. Amen. And we are putting on his own today. Amen. Es gab einen Trikotwechsel. Ne? Er hat unser Trikot jetzt an. Ne? Das Trikot der Gesetzlosigkeit, der Sünde, der Unreinheit. Und wir haben jetzt sein Gewand an. Das Gewand der Gerechtigkeit und der Freiheit in Christus Jesus. Amen. Il nous a vraiment, il y a eu un changement de tricot et on avait notre tricot sale qui est plein du péché, on lui a donné et lui il nous a donné son tricot qui est saint, qui est blanc, qui a la juste sa propre justice, il nous a donné, donc on a changé les tricots, il a pris la nôtre. Without that garment of righteousness that he is to give you, you remain a servant of sin. Ohne dieses Gewand der Gerechtigkeit bleiben wir Knechte der Sünde. Sans le tricot de la justice que lui il doit te donner, si tu ne l'as pas, là tu restes toujours esclave du péché. Praise the Lord. Verse 35 says, and this servant abided not in the house forever, mm-hmm. but the son abided forever. Mm-hmm. If the son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Without Christ, there is no freedom. Ohne Christus gibt es keine Freiheit. Donc, sans le Christ, il n'y a pas de liberté. Que hors d'esclave ne demeure pas toujours dans la he maison. Came to free us. Er kam, um uns frei zu machen. Il est venu pour nous libérer. From everything here on earth. Von allem hier auf dieser Welt. De tout dans ce monde. Amen. Amen. Including what this world called freedom. Auch das, was diese Welt to free us from what this world called freedom. Er kam, um uns frei zu machen von dem, was diese Welt Freiheit nennt. Von dieser Illusion hat er uns frei gemacht. Il est venu pour nous libérer de ce que le monde appelle de l'illusion de ce que le monde appelle liberté. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He came to free us from what this world called freedom. Er kam uns frei zu machen von dem, was diese Welt Freiheit nennt. Il est venu nous libérer de ce que ce monde appelle liberté. Example, you can see Paul and Silas in prison. Mm-hmm. Paulus und Silas im Gefängnis beispielsweise. Et tu peux le voir avec l'exemple de Paul et Silas dans dans la prison par exemple. You know what this world called freedom? You are free outside. But you're going from one place to another. That is freedom. So but in prison, you are not free. Mm-hmm. Dass du frei rumlaufen kannst, dass du frei rumlaufen kannst, aber du bist nicht frei im Gefängnis. Et par exemple, tu peux voir ce que le monde ici appelle la liberté. Pour eux, tu es libre quand tu vas partir voyager, mais quand tu es dans la prison, tu n'es pas libre. Amen. Amen. You know, Paul and Silas, you know. Thank God for those family, for our family there. Paulus they brought our family, amen. The family of Christ. Mm-hmm. You know, if you look at them, you know, because they know that it's not what man called freedom, mm-hmm. but what Christ called freedom. Amen. And that's why the gate of prison was open for them to run. They were still there, mm-hmm. sitting and just relaxing. Mm-hmm. Ich danke Jesus Christus für unsere Brüder, ne, Paulus und Silas, dass sie gezeigt haben, dass Freiheit eben nicht die Freiheit ist, diese Weltfreiheit nennt, weil als sie den Herrn gepriesen haben, dieser Gefängniszelle und diese Gefängniszelle auf einmal aufgesprungen, sind sie trotzdem nicht rausgerannt, weil diese Gefängniszelle nicht ihre Freiheit angreifen konnte oder definieren konnte. Je remercie l'Éternel pour Paul et Silas parce que ils sont aussi notre famille, oui, notre famille spirituelle, parce que eux, ils ont compris la différence, la définition du Christ qui du mot liberté, parce que ils étaient dans la prison et oui, la porte de la prison a été ouverte et s'est écoulée. Et ils sont pas sortis, ils n'ont pas fui, ils étaient restés dedans parce que ils se sentaient déjà libres parce qu'ils ont le Christ en eux et ils se sont relaxés. Praise the Lord. Alleluia. Thank you Jesus, you came to free us from what including what this world called freedom. Amen. Danke Jesus, uns von dem frei gemacht hast, was diese Welt auch Freiheit nennt. Merci Jésus Christ parce que tu es venu nous libérer même tu es venu nous, même du mot liberté de ce monde. We are not in prison. Nous sommes pas dans la prison, nous sommes because dans la liberté. Christ in us. Amen. Being Christus in uns. À cause du Christ en nous. We are going anywhere. We are not afraid of anything. Amen. Wir gehen überall hin und haben keine Angst vor irgendwas. On part partout et on n'a pas peur. We are not afraid of the past. We are not afraid of the present. We are not even afraid of the future. Wir haben keine Angst vor der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Nous, on n'a pas peur du passé, on n'a pas peur du futur et même pas du présent. The whole world is afraid of the future today. Die ganze Welt hat Angst vor der Zukunft. Tout le monde a peur de du futur. If you are not afraid, it means you are not paying attention. Wenn du nicht Angst hast, dann bist du anscheinend nicht aufmerksam genug zu wissen, was in dieser Welt alles abgeht. Parce que dans ce monde, être dans ce monde et ne pas avoir peur, ça signifie que toi tu n'es pas en train de prêter attention à ce qui se passe dans le monde. Aber Kinder Gottes. Mais nous les enfants de Dieu. We are not afraid of the future. Wir haben keine Angst vor der Zukunft. On n'a pas peur du futur. Because we already know the future. Amen. Denn wir kennen die Zukunft schon. Parce que nous on connaît déjà le futur. It's the same Christ. Amen. Es ist der gleiche Christus. C'est le même Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Since the fall of man, everything here became polluted. Seit dem Sündenfall wurde alles auf Erden hier verunreinigt. Depuis la chute de l'homme, tout a été pollué ici dans ce monde. Amen. Mm-hmm. There is, you know, since the fall of man. Seit dem Sündenfall. Depuis la chute de l'homme. Nothing on earth is controlled by the only true God. Wird nichts durch den einzig wahrhaftigen Gott mehr kontrolliert. Rien dans ce monde est maintenant est contrôlé du vrai Second Dieu. Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. What the religious people here don't like to hear. Was die religiösen Menschen aber nicht hören möchten, was der Satan, der Gott dieser Welt ist. Ce que les gens religieux de ce monde ne veulent pas écouter quand on dit que le diable est le dieu de ce monde. You don't believe it. You are calling Jesus a liar. Aber wenn wir das nicht glauben, ne, dass der Satan, der Gott dieser Welt ist, dann nennen wir Jesus einen Lügner, weil er sagt es hier. Si tu ne crois pas que le diable est le dieu de ce monde, là tu appelles le Christ un menteur parce que c'est lui qui le dit ici. If you are not believing it, it means you don't know that there is heavenly world. Wenn wir das nicht glauben, dann glauben wir damit nicht, dass es eine himmlische Welt gibt und eine irdische Welt. Et si tu ne crois pas, ça signifie que tu ne crois pas aussi qu'il y a un monde spirituel et un monde terrestre. Vers 3. Vers 3. Félix, can you help us to read? Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Praise the Lord. Hallelujah. But if our gospel is defeat, it is healed today. That are lost. And that's why they cannot even get it. Deswegen können sie es gar nicht verstehen. Si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il reste voilé pour ces incrédules. Weil es verhüllt ist. Amen. And that's why they cannot understand you when you choose Christ. Deswegen können sie dich nicht verstehen, wenn du Christus wählst. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas nous comprendre quand on choisit Jésus-Christ, parce que c'est voilé pour eux. They are confused when you choose Christ. Sie sind verwirrt, wenn du dich für Christus entscheidest. Sie sind verwirrt, wenn du dich für Christus entscheidest, weil es ist verhüllt vor ihnen. C'est vraiment caché pour eux. Amen. Vers 4. In whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not. Praise the Lord. Halleluja. The Bible calls Satan the God of this world. Wie werden Satan den Gott dieser Welt sein? Donc, c'est la Bible appelle le diable le dieu de ce monde. Amen. Amen. Ralph, can you help us in verse 4? Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit point briller la splendeur de l'évangile au reluit de la gloire du Christ qui a l'image de Dieu.